Exercice 2. Chez moi, il y a une vieille télévision, un bel escalier, 2. Un vieux réfrigérateur, 3. Un beau tableau, 4. Un nouveau lit, 5. Une belle carte du monde, 6. Un vieil appareil photo, 7. Un nouvel ordinateur,